Quelles que soient les souffrances, les errances, quel que soit le jour ou la nuit, je le prends, je la prends, comme elle vient, comment l'on pourrait prendre ton sein. D'un côté une fleur et de l'autre un fusil. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, je le prends comme il vient, comme un train qui s'en irait là-bas vers d'autres lieux. Quel que soit le jour ou la nuit, je la prends comme il vient, comme elle vient, comme l'on pourrait prendre dans ses bras d'un côté un enfant et de l'autre un cobra. Quelle que soit l'inquiétude que je vois, je me dis que la vie ne vaut pas d'être inquiet. Quel que soit ce que je peux rencontrer, je n'y suis pour rien. Je n'ai jamais voulu que les gens s'entretuent pour un morceau de pain. La terre est à tout le monde et le monde me dit qu'il faut qu'elle nourrisse. Quelles que soient les souffrances, les errances, la lassitude, je me dis, je le prends comme un printemps qui fleurirait. Je fais ce que je peux et ne me demandez pas l'impossible, il suffit pour cela de tendre le bras. Tra-la-la, quelles que soient les souffrances, l'errance, la lassitude, je me dis, je le prends comme un printemps qui fleurirait. Et pour se dire, je reviens toujours au point de départ, comme dans un quai de gare où on voit de tout. Quel que soit le jour ou la nuit, je le prends, je la prends, comme elle vient, comme l'on pourrait prendre dans sa main d'un côté une fleur et de l'autre un fusil. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid, je le prends comme il vient, comme un train qui s'en irait là-bas vers d'autres lieux. Quel que soit le jour ou la nuit, je le prends, je la prends, comme il vient, comme elle vient, comme on pourrait prendre dans ses bras d'un côté un enfant et de l'autre un cobra. Quel que soit le jour ou la nuit, je le prends, je la prends comme elle vient. Quelles que soient les différences, je suis en instance d'aller chanter.